C'est la vida loca. Et l'ambiance n'est pas loupée. Mes gars sont locaux. Travaille sans avocat. C'est la vida loca. Y'a que des gros papotes. Mes gars sont locaux. Pas là pour papoter. C'est écrit sur le testament. Ego, tu nous testes. T'es mort. NASA, nique tous. T'as aimé toi. Où étais tu tous? Quand on la va, va, va, va. Toi tu la snip, bâtard. On la va, va, va, va. Toi tu la snip, bâtard. Merde. Ça sent des gars, putain de merde.